الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre intitulé آداب المشي إلى الصلاة، écrit par l'imam محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، dans lequel il a exposé les règles des adorations qui sont la prière, la zakat et le jeûne. Nous avons vu dans le cours précédent le premier chapitre de ce livre qui concernait la discipline et les conduites à adopter lorsqu'on se rend à la prière. Ensuite, l'auteur رحمه الله تعالى a dit باب صفة الصلاة، chapitre sur la description de la prière. C'est-à-dire que dans ce chapitre, il va nous expliquer la manière d'accomplir la prière en accomplissant ses piliers, ses obligations, ainsi que les choses qui sont recommandées durant celle-ci. Et comme vous le savez, la prière est composée de paroles et d'actes particuliers. Elle commence par le takbir et elle termine par le taslim, les salutations finales. Et l'explication de ces paroles et de ces actes particuliers est venue dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il nous a ordonné, comme il est venu dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, de prier comme nous l'avons vu prier. Et bien entendu, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos yeux accomplir la prière. Toutefois, ce qui nous est rapporté des compagnons radiyallahu anhum concernant la description des paroles et des actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière nous permet de nous soumettre à cet ordre et de prier à la manière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur rahimahullah va nous expliquer ici certaines règles à ce sujet. Et il commence en disant يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُومَ إِلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَةِ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِلَّا إِذَا رَآهُ. Il dit رحمه الله, il est recommandé qu'il se lève pour celle-ci, c'est-à-dire pour accomplir la prière, lors de la parole du مؤذن, Al-Mu'addin, qui est celui qui fait l'appel à la prière. Donc lorsqu'il dit « Qad qamati s-salah » et ce, si l'imam est dans la mosquée. Sinon, au moment où il le voit. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans le chapitre précédent, il nous a décrit ce qu'il convient de faire lorsqu'on se rend à la prière. On a vu les comportements à adopter, les paroles à prononcer et les actes à accomplir sur le chemin, puis lorsqu'on entre à la mosquée. Et on s'est arrêté au passage où il convient, après avoir accompli les deux unités de prière de salutation de la mosquée, de s'occuper par ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, on attend la prière. Et quand est-ce qu'on va se lever pour accomplir la prière? Ce sera au moment de l'iqama. Al-iqama, qui est le petit appel qui sert à informer les gens qu'il est le moment de se lever pour la prière. Et quand doivent-ils se lever, de manière précise? L'auteur, rahimahullah ta'ala, a fait la distinction entre deux situations, qui sont liées à la présence ou non de l'imam dans la mosquée. Donc si l'imam est dans la mosquée, on se lèvera au moment de l'iqama. Et le shaykh nous dit ici qu'on se lève au moment où le mu'addin dit « qad qamati s-salah ». Et les savants ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que on se lève dès le début de l'iqama, dès que le muaddin commence à prononcer l'iqama. D'autres ont dit qu'on ne se lève qu'à la fin de l'iqama, et d'autres ont dit, comme l'auteur, qu'on se lève à la parole « qad qamati s-salah ». Les trois avis ont été soutenus par différents gens de science. Et le shaykh Abdel Muhsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve, nous dit ici dans le commentaire que ce qui est le plus apparent est que les fidèles se lèvent dès qu'ils commencent à entendre l'iqama. Et ce, afin de se préparer à l'alignement des rangs pour la prière. En effet, les gens ont besoin de se préparer à l'accomplissement de cette prière, et plus particulièrement, comme on va le voir, d'aligner les rangs. Et l'alignement des rangs, il nécessite qu'ils se lèvent, et ils ne vont pas tous se lever à la même vitesse. Il y a parmi eux le jeune et la personne âgée, le fort et le faible, et ainsi de suite. Donc s'ils attendent la parole « qad qamatis salah » ou la fin de l'iqama, il se peut que ceci retarde l'entrée en prière. Donc dès qu'on entend « al-iqama », si l'imam se trouve dans la mosquée, on se lève. Et si l'imam n'est pas dans la mosquée, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « on ne se lèvera que lorsqu'on le verra ». Et ce en raison de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « lorsqu'on fait l'iqama pour la prière, alors ne vous levez qu'une fois après m'avoir vu. » Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Qila lil imam Ahmad, qabl al-takbir, taqulu shay'a » On a dit à l'imam Ahmad, avant le takbir, c'est-à-dire avant l'entrée en prière en disant « Allahu Akbar », est-ce que tu dis quelque chose? C'est comme s'il l'interrogeait afin de savoir est-ce qu'il y a une invocation particulière à prononcer à ce moment-là? Ou alors, est-ce que l'on doit prononcer l'intention? Alors l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a dit « La idh lam yunqal anin nabi sallallahu alayhi wa sallam » وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ Non, car cela n'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni d'aucun de ses compagnons, radiyallahu anhum. On comprend donc qu'il n'y a pas de formule de rappel ou d'invocation particulière qui est légiférée avant la prononciation du takbir. Tu entres en prière en disant « Allahu Akbar ». Tu ne prononces pas l'isti'adha avant le takbir. Avant d'être entré en prière, tu ne dis pas A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Tu ne dis pas Bismillah ou Bismillahir Rahmanir Rahim avant de dire Allahu Akbar. Il n'y a pas d'invocation ou de formule de rappel particulière à prononcer. Et de la même manière, tu ne prononces pas l'intention. Car il y a certaines personnes qui, avant de commencer la prière, avant d'entrer en prière, ils prononcent l'intention. Ils disent « j'accomplis telle prière en tel jour » et ainsi de suite selon les différentes manières qu'ils ont de prononcer leur intention. Et tout ceci n'est pas légiféré. Car comme l'a mentionné l'imam Ahmad, rahimahullah, ceci n'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni d'aucun de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et concernant l'intention, elle n'est rien de plus que le fait que tu aies conscience de ce que tu t'apprêtes à accomplir et que tu en aies la volonté. C'est cela l'intention. Et elle se trouve dans le cœur. Elle ne doit en aucun cas être prononcée par la langue. Et prononcer l'intention par la langue est une innovation comme l'ont mentionné les gens de science. Car ceci n'a été fait ni par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni par l'un de ses califes bien guidés, ni même par l'un de ses compagnons, radiyallahu anhum, ni même par l'un des imams suivis en religion. Donc ceci fait partie des choses nouvelles instaurées en religion qui sont rejetées et qui doivent être délaissées. Il n'y a donc rien à prononcer avant le takbir, avant la parole Allahu Akbar par laquelle tu entres en prière. Toutefois, il est à souligner que la majorité des gens de science considèrent qu'il est légiféré pour celui qui entend al-iqama de répéter ce que dit le mu'addin et d'invoquer à la fin de l'iqama de la même manière qu'on le fait après l'adhan. Les gens de science ont divergé sur cette question. Le premier avis, qui est l'avis de la majorité des gens de science, est que cela est légiféré et recommandé, de répondre à l'iqama comme on répond à l'adhan. Et ils ont pris pour preuve la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith « Ida sami'tum nida, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'addin » Lorsque vous entendez un nida, lorsque vous entendez l'appel, alors dites la même chose que dit le mu'addin. Ils ont donc dit que ce hadith est général, car un nida, cela comprend al-adhan et al-iqama, car ils sont tous deux un appel à la prière, prononcé par le mu'addin. Et l'iqama est aussi appelé adhan. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique بين كل أذانين صلاة. Entre chaque adhan, il y a une prière. Il dit cela à trois reprises, puis il dit l'iman shah, pour celui qui veut. Et ce qui est visé, c'est qu'il a employé le terme adhan pour désigner al-adhan et al-iqamah. Entre chaque adhan, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqamah. Donc, à partir de cela, ils ont recommandé d'agir lors de l'iqamah de la même manière qu'on le fait lors de l'adhan. Et le deuxième avis est que ceci n'est pas recommandé, et qu'il n'est pas légiféré de répondre et de répéter ce que dit al-muqim, celui qui fait al-iqamah. Car ceci n'a pas été démontré par un hadith authentique et explicite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hadith authentique démontrant de manière explicite que celui qui entend le mu'addin prononcer l'iqama de la prière, alors il lui serait légiféré de lui répondre. Et le fait de lier la réponse à l'iqama à la généralité des hadiths démontrant la recommandation de répondre à l'adhan, ceci est une chose discutable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela de manière détaillée et cela ne s'applique que sur la réponse du mu'addin lors de sa prononciation de l'adhan. Wallahu ta'ala a'lam. Quoi qu'il en soit, ceci fait partie des questions sujettes à divergence et sur laquelle on fait preuve de largesse. Celui qui considère que il est légiféré de répondre à l'iqama, alors nul gêne à lui et il a comme prédécesseur la majorité des gens de science. Et celui qui considère que cela n'est pas recommandé, alors il le délaisse et nul gêne à lui en cela. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Thumma yusawwi l'imam as-sufuf » Ensuite, c'est-à-dire après l'iqama, et après que les gens se soient levés, l'imam va aligner les rangs. بمحاذات المناكب والأكعب. Et ce en mettant au même niveau les épaules et les chevilles. ويسن تكميل الصف الأول فالأول. Et il est recommandé, et il fait partie de la sunna, de compléter le premier rang puis le suivant, et ainsi de suite. وتراس المأمومين. Et également, il est recommandé, et il fait partie de la sunna, que les fidèles serrent les rangs, qu'ils se serrent les uns aux autres. وَسَدُّ خَلَلِ الصُّفُوفِ Et il est également sunna et recommandé de combler les vides dans les rangs. Donc, après que les gens se soient levés pour la prière, les fidèles vont aligner leurs rangs. Et cela a lieu en mettant à même niveau leurs épaules et leurs chevilles. Et dans le même rang, nul ne doit être plus avancé que les autres, ou en retrait. Et également, ils vont se serrer les uns les autres, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide entre eux. Et ils vont aussi compléter les rangs un à un. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord compléter le premier rang, et ce n'est qu'après avoir complété le premier rang qu'ils vont commencer à faire un deuxième rang, et ainsi de suite. On ne fait pas un deuxième rang sans avoir complété le premier. On ne fait pas un troisième rang sans avoir complété le deuxième, et ainsi de suite. Et tout cela est venu dans différents hadiths rapportés de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent, d'après Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait avant la prière, « La tusawwuna sufufakum, aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. » Vous allez certes aligner vos rangs, ou alors Allah fera diverger vos visages, c'est-à-dire fera diverger vos cœurs. Il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Sawwu sufufakum, fa inna taswiyata sufufi min iqamati s-salah. Alignez vos rangs, car certes, l'alignement des rangs fait partie de l'accomplissement de la prière. Et il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qu'il a dit, l'un d'entre nous coller son épaule à l'épaule de son compagnon et son pied à son pied. Donc, on voit que ce qui est pris en considération pour aligner les rangs, c'est le fait que les épaules et les pieds, et plus particulièrement les chevilles, soient à même hauteur. Et l'alignement des rangs, il ne se fait pas en fonction de l'extrémité des orteils. Certaines personnes, ils alignent leurs rangs en mettant leurs orteils à même niveau. Mais les pieds des gens ne sont pas tous de même taille. Donc si on aligne nos orteils, les rangs ne seront pas alignés en réalité au niveau des épaules. C'est pour cela que ce qui est pris en compte et ce qui est juste est d'aligner les rangs en fonction des épaules et des chevilles. Et les gens de science ont précisé que ceci doit être fait sans se nuire les uns aux autres. Mais l'objectif à travers cela est que les rangs soient bien alignés et qu'ils soient bien serrés, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide pour le diable, et non pas de se nuire les uns aux autres. Car certaines personnes ont compris, comme l'a mentionné le cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, que le fait d'aligner les chevilles aux chevilles est une chose visée en elle-même, et ils n'ont pas compris que l'objectif à travers cela était que les rangs soient bien alignés et de combler les espaces vides dans les rangs. Et on voit parfois certaines personnes qui vont exagérer à ce sujet au point d'écarter leurs jambes, de manière exagérée, afin de coller ses chevilles aux chevilles de ses voisins. Mais en agissant ainsi, regardez au niveau de ses épaules. Vous verrez qu'elles sont écartées des épaules de ses voisins. Et ceci est une erreur. Car les jambes de la personne doivent être alignées avec son corps. Il ne t'est pas demandé d'écarter les jambes pour combler les vides, mais tu dois t'approcher de ton voisin. Et également, l'alignement des rangs, il ne doit pas être fait d'une manière à perdre l'humilité en prière, de sorte à se serrer d'une façon à nuire à ses voisins, et qu'ils ne puissent plus bouger, ou qu'ils ne puissent pas tenir debout aisément lors de sa prière. Donc il faut faire attention à cela et bien comprendre la manière de mettre en pratique cette sunna, et que l'objectif est que les rangs soient droits et serré de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide entre les prières pour le diable. Également parmi les choses, légiférer, on a dit, de compléter les rangs les uns après les autres et que les rangs soient approchés, que les prières soient approchées les uns des autres. La preuve à ce sujet est ce qu'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, d'après Jabir, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « N'allez-vous pas aligner vos rangs comme le font les anges auprès de leur Seigneur ?» Ils lui dirent alors, « Ô messager d'Allah, et comment s'alignent en rang les anges auprès de leur Seigneur ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ils complètent les premiers rangs, ils complètent les premiers rangs, c'est-à-dire les rangs les uns après les autres, et ils se rapprochent dans le rang. Ils se serrent les uns aux autres dans les rangs. » Et comme on a dit, d'une manière à ne pas nuire à ses voisins. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, « وَيَمْنَةُ كُلِّ صَفٍ أَفْضَلٍ » Et le côté droit de chaque rang est plus méritoire. Le côté droit de chaque rang est plus méritoire. Ceci est démontré par le hadith d'Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans lequel il a dit, lorsque nous prions derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous aimions être à sa droite. Nous aimions être à sa droite. Donc ceci nous montre le mérite du côté droit du rang. Et également, il y a le hadith de Aïcha radiyallahu anha, que l'on a déjà vu dans le cours précédent, dans lequel elle rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait commencer par la droite en toute chose. Lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se coiffait, lorsqu'il se purifiait. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith qu'il a été pris pour preuve qu'il est recommandé de prier à droite de l'imam et dans le côté droit de la mosquée. Toutefois, il faut bien comprendre que ce mérite n'est pas valable dans l'absolu, mais que la droite est plus méritoire s'il y a un nombre équivalent de personnes à gauche de l'imam. Mais si la majorité des prières se trouve à droite de l'imam, au point qu'il n'y ait que quelques prières à sa gauche, alors dans ce cas-là, il sera plus méritoire de se rendre à la gauche. C'est lorsque tu arrives à la mosquée, tu observes que la majorité des gens sont à droite et qu'il n'y a personne à gauche. Alors dans ce cas-là, il est plus méritoire de te rendre à gauche. Car les rangs doivent être faits de parts égales à droite et à gauche de l'imam. L'imam Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a dit, la droite du rang est plus méritoire que la gauche, ceci s'ils sont à part équivalente, c'est-à-dire qu'il y a approximativement le même nombre de personnes à droite et à gauche de l'imam. Mais si la droite est éloignée de manière significative, c'est-à-dire que les gens sont si nombreux à droite que la personne va se retrouver loin de l'imam. Alors la gauche et le fait d'être proche de l'imam sera plus méritoire. Et il dit, rahimahullah, dans une autre de ses paroles, que si l'imam observe que les gens sont plus nombreux à droite qu'à gauche, alors il les fera se déplacer, afin que le rang soit rempli de parts égales à droite et à gauche. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَقُرْبُ الْأَفْضَلِ مِنَ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. Et il est recommandé que les gens les plus méritants soient proches de l'imam, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Que me suivent parmi vous, ulul ahlami wa nuha » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullah. Et il nous prouve que les gens de science et de mérite, il leur convient de se placer derrière l'imam et à proximité de lui. Et ce, afin de pouvoir lui souffler s'il se trompe, ou s'il oublie lors de la récitation du Coran, et également attirer son attention s'il fait une erreur dans la prière en faisant le tasbih, ou prendre sa place s'il venait à être dans l'incapacité de terminer la prière, comme s'il perd les ablutions ou autre raison qui pourrait l'amener à quitter la prière, alors l'un d'entre eux pourrait le remplacer. Et le fait qu'ils doivent être derrière l'imam, cela ne signifie pas que cette place leur est réservée comme pourraient le penser certaines personnes. Et ainsi venir, au dernier moment, et exiger de se placer derrière l'imam. Mais cela signifie qu'ils doivent, plus que les autres, faire des efforts pour venir tôt à la prière et prendre cette place avant qu'elle ne soit occupée. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا » Et le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier, et le plus mauvais est le dernier. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. Et le meilleur des rangs pour les femmes est le dernier, et le plus mauvais est le premier. Cette parole mentionnée par l'auteur, rahimahullah ta'ala, est en réalité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam muslim rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et il nous démontre le mérite du premier rang et des rangs qui le suivent. Et ce car, le premier rang, il est occupé par ceux qui se sont rendus tôt à la prière. Ils ont donc un mérite en cela, le fait d'être venus en avance et d'avoir pu ainsi se préparer pour cette prière, se préparer à se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, vider son cœur de toute occupation et de toute distraction, et ainsi de suite, parmi les mérites que l'on a mentionnés dans le cours précédent. Et également, il y a comme mérite du premier rang le fait que les hommes qui se trouveront au premier rang seront loin des rangs des femmes qui se trouveront derrière. Et ils seront ainsi éloignés de toute tentation. Et concernant les femmes, c'est l'inverse. Le meilleur rang est le dernier, et le plus mauvais est le premier. Et ce car, les hommes qui se trouveront dans les derniers rangs et les femmes qui se trouveront dans les premiers rangs auront une certaine proximité qui peut être une cause de tentation pour les uns comme pour les autres. Et on voit à travers cela la recommandation pour les hommes et pour les femmes de s'éloigner de tout ce qui mène à la tentation et de ne pas s'exposer à celle-ci. Car nul parmi les hommes et les femmes n'est à l'abri. Et concernant les rangs des femmes, le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, a mentionné ici dans son commentaire que le meilleur rang est le dernier et le plus mauvais est le premier dans le cas où les femmes prient avec les hommes, c'est-à-dire dans la même pièce, sans qu'il n'y ait rien pour les séparer des hommes. Mais s'il y a une séparation entre les hommes et les femmes, et que les femmes sont seules dans une pièce où il n'y a pas d'hommes, qu'elles sont séparées des hommes, alors les premiers rangs sont plus méritoires pour elles, comme c'est la situation aujourd'hui dans la grande majorité des mosquées, où les femmes ont une salle qui leur est propre pour accomplir la prière. Et dans cette salle, Elles ne sont pas vues et n'ont pas de contact avec les hommes. Dans ce cas-là, on dira que le meilleur rang pour elles est le premier, et non pas le dernier. Car la raison de ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, elle n'est plus présente. Elle ne s'expose pas à la tentation en se mettant au premier rang. Donc le premier rang est meilleur pour elle. Toutefois, dans les mosquées où elle peut être vue par les hommes, comme dans les mosquées où le lieu de prière des femmes est sur un balcon par exemple, qui donne sur la salle de prière des hommes. Dans cette situation, si elle s'avance, elle pourra être vue. Donc dans ce cas-là, on reviendra à ce qui est mentionné dans le hadith. Le meilleur des rangs pour elle sera le dernier, ce lieu où elle sera à l'abri du regard des hommes et de la tentation. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Thumma yaqul, wa huwa qa'imun ma'al qudra, Allahu akbar, wa la yujzihuhu ghayruha. » Ensuite, il dit « En étant debout, s'il en a les capacités, Allahu akbar, et aucune autre parole n'est valide. » Donc, une fois les rangs alignés, les prieurs, ils vont commencer la prière. Et on entre en prière en étant debout, si on en a les capacités, et en disant « Allahu Akbar ». وَالْحِكْمَةُ فِي افْتِتَاحِهَا بِذَٰلِكَ لِيَسْتَحْضِرَ عَظَمَةَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَخْشَعَ. Et la sagesse de l'ouverture de la prière par cela, c'est-à-dire par la parole « Allahu Akbar », qui signifie « Allah est plus grand », et qu'il prenne conscience de l'immensité de celui devant qui il se tient debout, et fasse ainsi preuve d'humilité. Lorsque tu dis « Allahu Akbar »,« Allah est plus grand », tu dois méditer sur cette parole. Prendre conscience de l'immensité de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui est plus grand que toute chose. Et ceci doit te mener à la quiétude, à l'humilité, à t'avilir devant Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et également, ceci doit te pousser à te recueillir dans cette prière et à délaisser tout ce qui pourrait t'en détourner, parmi les préoccupations ou autres pensées qui pourraient te traverser l'esprit. Tout ce qui pourrait te venir en tête dans la prière, rappelle-toi que Allahu Akbar, Allah est plus grand. Allah est plus grand que cela. Concentre-toi donc sur cette prière que tu es en train d'accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse tout ce qui te détourne de cette prière. Ensuite, il mentionne une autre question concernant la manière de dire Allahu Akbar que l'on va expliquer. Donc en résumé, dans ce passage, on voit premièrement que l'on entre en prière en disant Allahu Akbar. Et cette parole, elle est appelée Takbiratul Ihram, le Takbir de sacralisation. C'est-à-dire que tu entres en sacralisation dans ta prière en prononçant cette parole, Allahu Akbar. Une fois que tu l'as prononcée, tu es entré en prière. Et pourquoi ce Takbir est appelé Takbir del Ihram, de la sacralisation? Car il te rend haram, il te rend interdit des choses qui étaient pour toi halal, qui étaient pour toi licites, avant d'entrer en prière, à l'exemple de la parole et du fait de boire et de manger. Lorsque tu es en prière, tu n'as pas le droit de parler, si ce n'est les paroles que tu dois prononcer en prière, et tu n'as pas le droit de boire ou de manger. Ces choses deviennent pour toi haram, après que tu aies prononcé takbirata al-ihram. Et ce terme est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Miftahu salah al-tahur » la clé de la prière est la purification, « wa tahrimuha al-takbir » et ce qui la rend haram, ce par quoi on entre en sacralité est le takbir, « wa tahliluha al-taslim » et ce qui rend ces choses licites, c'est le taslim, c'est les salutations finales qui rendent licite la parole et le fait de boire et de manger. La deuxième question que l'auteur rahimahullah ta'ala a abordée ici est que ce takbir doit être prononcé alors que l'on est debout pour celui qui en a les capacités, et ce, dans la prière obligatoire. Elle doit impérativement être accomplie debout pour celui qui en a les capacités. Et si une personne prie assise, une prière obligatoire, alors qu'elle a les capacités physiques de se tenir debout, sa prière n'est pas valide. Retenez bien cela, car nombre de personnes ont un certain laxisme à ce sujet et se permettent, au moindre prétexte, d'accomplir leurs prières obligatoires en se tenant assis, alors qu'ils peuvent se tenir debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier debout. Il a dit « Salli qa'iman » « Prie debout ». Ensuite il a dit « Fa illam tastati' fa qa'idan » « Et si tu ne peux pas, alors assis ». Si tu ne peux pas, mais si tu peux, alors prie debout. Tu ne pries assis que si tu ne peux pas te tenir debout, comme celui qui souffre d'invalidité, d'une incapacité physique ou autre. « Fa illam tastati' fa ala jamb » « Et si tu ne peux pas, alors sur le côté ». Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc ceci concerne la prière obligatoire. Et en ce qui concerne la prière surérogatoire, alors il est permis de l'accomplir assis. Même si on peut se tenir debout, même si on a les capacités physiques de se tenir debout. Toutefois, celui qui prie assis, une prière surérogatoire, alors qu'il a la capacité physique de se tenir debout, eh bien il n'aura que la moitié de la récompense de celui qui accomplit la prière debout. Et le mieux pour lui est bien sûr d'accomplir la prière debout afin d'obtenir la récompense complète. Mais si en raison de la paresse ou de la fatigue, il craint de délaisser ces prières surérogatoires qu'il a l'habitude d'accomplir, que ce soit des prières de nuit ou autres, alors il est mieux pour lui de les accomplir assis que de les délaisser. Et le mieux est de surmonter sa paresse et de les accomplir debout. Quant à celui qui est dans l'incapacité de prier debout, en raison d'une maladie ou autre, et qui prie assis, alors ce dernier a la récompense complète de sa prière, car il est incapable de se tenir debout. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Lorsque le serviteur est malade ou qu'il voyage, on lui inscrit la même chose qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Donc on retient ici que la station debout est un pilier de la prière en ce qui concerne la prière obligatoire. Et on ne doit pas négliger cela et prendre garde à ne pas s'asseoir au moindre prétexte, ni même comme le font certaines personnes qui, en raison de certaines douleurs ou autres, vont faire leur prière assis sur une chaise alors qu'ils ont les capacités de tenir debout. Ils se rendent à la prière en marchant. Ils restent debout devant la mosquée, avant la prière, après la prière, à discuter. Mais une fois qu'il entre dans la mosquée pour prier, il prend une chaise, il s'assoit, il dit Allahu Akbar. Et ceci est une erreur, rendant sa prière invalide. Car dès lors que tu as les capacités de te tenir debout, il est obligatoire pour toi, pour la prière obligatoire, de les accomplir debout. Également parmi les questions que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées dans ce passage, il y a le fait que il n'y a que la parole Allahu Akbar qui te permet d'entrer en prière. Et ce car, c'est la parole que prononçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il a ordonné de prononcer. Il n'est donc pas valide de prononcer une autre parole pour entrer en prière, même si celle-ci contient la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme en disant « Allahu ajal »« Allah est plus majestueux » ou « Allahu a'zam »« Allah est plus immense » ou autre parole semblable. Et ce car cela est contraire à ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, le takbir ne sera pas valide s'il est prononcé d'une manière qui en déforme le sens. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ici trois exemples de manières de prononcer le takbir rendant la prière invalide, que ce soit la prière obligatoire ou surérogatoire. Et il a dit « فَإِنْ مَدَّ هَمْزَةَ اللَّهُ أَوْ أَكْبَرُ أَوْ قَلْ أَكْبَرُ لَمْ تَنْعَقِدْ » S'il prolonge la hamza en prononçant Allah ou Akbar, c'est-à-dire qu'il dit Allah, ou alors qu'il dit Allahu Akbar, il n'est pas entré en prière. Pourquoi? Car s'il dit Allahu Akbar, cela signifie est-ce que Allah est plus grand? C'est une question. Et de la même manière, Allahu Akbar, c'est une question. Allah est-il plus grand? Donc celui qui prononce de cette manière, il n'est pas entré en prière. Et également celui qui va dire « Akbar »,« Allahu Akbar ». Le mot « Akbar », c'est le pluriel de « Kabar ». Et qu'est-ce que signifie « Kabar » ? Cela signifie le tambour. « Wal'iyadu billah ». Donc il est important de bien prononcer Allahu Akbar. Et c'est une parole simple. Prenez garde qu'après avoir entendu cette parole, le diable ne vous assaille pas de wasawis lorsque vous allez entrer en prière. Ne tombez pas dans ce piège. Je suis persuadé que la majorité d'entre vous prononce très bien cette parole et que vous dites Allahu Akbar. Mais étant donné que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné cette question et que cela peut être une erreur commise par certaines personnes, alors on l'a lu et expliqué. Et cette erreur, on la retrouve surtout dans l'appel à la prière. Et certains qui, lorsqu'ils font l'appel à la prière, disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ceci est une grave erreur qui modifie le sens des paroles qu'il prononce. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَالْأَخْرَسُ يُحْرِمُ بِقَلْبِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ وَكَذَا حُكْمُ الْقِرَاءَةِ وَالتَّزْبِيحِ وَغَيْرِهِمَا » Et le muet, il entre en sacralisation par son cœur, et il n'a pas besoin de bouger sa langue, et il en est de même concernant le jugement, de la lecture, des glorifications, et autre que cela, c'est-à-dire les autres paroles à prononcer dans la prière. On a vu que celui qui parle, il va prononcer le takbir pour entrer en prière, et de la même manière, il va réciter ce qu'il est nécessaire de réciter, et il va prononcer les formules de rappel légiférées. Et il ne se contente pas de faire cela dans son cœur, sans bouger sa langue et ses lèvres. Il est impératif que tu prononces ces paroles en prière, que tu prononces le takbir, que tu prononces la récitation de la Fatiha, que tu prononces les formules de rappel et ainsi de suite, avec ta langue et tes lèvres. Car c'est ainsi qu'on parle. Et c'est ainsi que les compagnons, radiyallahu anhum, savaient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait, dans les prières, à voix basse, par les mouvements de sa barbe. Ce qui nous indique que il récitait bien en bougeant sa langue et ses lèvres, et prononçait ses versets, même si cela n'était qu'à voix basse. Quant à celui qui est muet, qui ne peut pas parler, alors il ne pourra pas prononcer le takbir, ni réciter, ni prononcer les formules de rappel. Donc il le fera avec son cœur, sans bouger sa langue. Et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Allah ne surcharge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Et il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, « Fattakullaha mastata'tum » et craignez Allah autant que vous pouvez. Et le fait de bouger la langue ne serait pour lui d'aucune utilité et serait vain car il ne peut pas réellement prononcer les paroles légiférées. Et cela est valable même s'il arrive à prononcer certaines lettres. À partir du moment où il n'arrive pas à prononcer les paroles légiférées en entière, alors il n'est pas nécessaire qu'il n'en prononce qu'une partie ou certaines lettres ou certaines syllabes, car il n'y a pas d'intérêt en cela, mais il se contente de prononcer cela en lui-même. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيُسَنُّ جَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ et il est recommandé, et il fait partie de la sunna, que l'imam prononce le takbir à haute voix. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامِ فَكَبِّرُوا lorsque l'imam prononce le takbir, alors prononcez-le. Quelle est la preuve dans ce hadith? La preuve est qu'on ne peut savoir que l'imam a fait le takbir que si on l'entend prononcer le takbir. Donc, il est légiféré et recommandé pour l'imam de prononcer le takbir à voix haute. Il dit « وَبِتْ تَسْمِعَ » et également par le « تَسْمِعَ » qui consiste à dire « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ » لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِذَا قَالْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ et lorsqu'il dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dit alors رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Donc l'imam il prononce ses paroles à haute voix, Allahu Akbar et سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيُسِرُّ مَأْمُومٌ وَمُنْفَرِدٌ. Quant à celui qui prie derrière l'imam et celui qui prie seul, alors il le prononce à voix basse. Ça, c'est très important et c'est une chose sur laquelle se trompent nombre de nos frères et sœurs. L'imam, il prononce le takbir de sacralisation et les autres takbirs de la prière à voix haute, de même que la parole « Sami'a Allahu liman hamida » et les salutations finales « Assalamu alaikum wa rahmatullah » à droite et à gauche. Il prononce ces paroles à voix haute, pourquoi? pour être suivi par les fidèles qui prient derrière lui. C'est pour cela qu'il est légiféré pour lui de prononcer ses paroles à voix haute. Quant à ceux qui prient derrière lui, ou ceux qui prient seuls, alors il n'est pas légiféré pour eux d'élever la voix pour prononcer le takbir et ses autres paroles comme « Sami Allahu liman hamida » et les salutations finales de la prière, mais ceci est prononcé à voix basse. Il n'y a pas d'intérêt à élever la voix, d'autant plus lors de la prière en commun. Nombreux sont ceux à élever la voix, à dire « Allahu Akbar, Rabbana wa lakal hamd » et à prononcer les salutations finales à voix haute. Ceci n'est pas légiféré. Cela n'est légiféré que pour l'imam, et non pas pour ceux qui prient derrière lui, ni même celui qui prie seul. Lorsque tu pries seul, le takbir de sacralisation, les autres takbirs de la prière, la parole « Sami Allahu liman hamida » et les salutations finales, tu les prononces à voix basse. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ » et il lève les mains, c'est-à-dire que le prieur lève ses mains au moment de prononcer le takbir de sacralisation. Et cela est recommandé, de même que cela est recommandé lors de l'inclination, lorsque tu te redresses de l'inclination et lorsque tu te relèves après le premier tashahhud pour une troisième unité, comme cela est confirmé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et lever les mains est une sunnah, c'est donc une chose qui est recommandée. Si une personne ne lève pas les mains, alors sa prière ne sera pas pour autant invalidée. Mais celui qui délaisse cela, alors il se prive d'un grand bien car il aura délaissé le suivi d'une des sunnahs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lesquelles on est récompensé lors de leur accomplissement. Et on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Priez comme vous m'avez vu prier. Plus tu vas veiller à t'appliquer dans cette prière, à l'accomplir comme la faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ta récompense sera grande, incha'Allah ta'ala. » Donc il est recommandé de lever les mains. Et cela est une sunnah. Et comment doit-on les lever? L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique cela. Il dit, « Mamdoudatay al-asabi'a » les doigts tendus. C'est-à-dire que tu n'as pas les doigts pliés. Certaines personnes laissent leurs doigts pliés et ne prennent pas le soin de tendre leurs doigts. Donc tu tends tes doigts. « Madmouma » et les doigts, ils sont serrés les uns aux autres, ils sont réunis, ne sont pas ouverts. Donc, les doigts tendus et serrés les uns des autres. « وَيَسْتَقْبِلْ بِبُطُونِهِمَا الْقِبْلَ » et il oriente les paumes de ses mains vers la Qibla. Ça aussi, c'est important. Les paumes de tes mains doivent être en direction de la Qibla, non pas en direction du sol. Certaines personnes ne font pas l'effort de lever leurs mains. Ils ne les lèvent même pas. Leurs doigts sont pliés. Les paumes en direction du sol, il fait juste un mouvement avec ses bras. Et ceci n'est pas ce qui est recommandé, ni ce qui est décrit dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est recommandé est que les doigts soient tendus, serrés les uns aux autres, et que les paumes des mains soient en direction de la Qibla. Et à quelle hauteur on lève les mains? Il nous dit, « Ila hadwi mankibai » à hauteur de ses épaules. C'est cela qui est recommandé. Comme cela est venu dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, il est venu qu'il l'ait levé à hauteur de ses oreilles. Donc tu peux alterner entre ces deux manières. Parfois tu lèves tes mains à hauteur de tes épaules, et parfois tu lèves tes mains à hauteur de tes oreilles. Et tu auras ainsi mis en pratique la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, duquel on rapporte les deux manières de faire. Et est-ce que l'on prononce le takbir en levant les mains, ou avant de lever les mains, ou après avoir levé les mains? La réponse est que les trois manières de faire sont légiférées, et les trois sont rapportées. Donc, ou bien tu dis « Allahu Akbar » et ensuite tu lèves les mains, comme on vient de le décrire, ou bien tu lèves tes mains et tu dis en même temps « Allahu Akbar », ou bien tu lèves tes mains, puis ensuite tu dis « Allahu Akbar ». Et tu alternes entre ces différentes manières de faire afin de mettre en pratique la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des différentes manières qu'elle nous est rapportée. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Il lam yakun udhr » s'il n'a pas une excuse. C'est-à-dire qu'il est légiféré pour lui de lever ses mains de cette manière s'il n'a pas une excuse l'empêchant de faire cela. « Wa yarfa'uhuma isharatan » il a cache fil hijab, بينه وبين ربه. Et il les lave, faisant allusion au lever du voile entre lui et son Seigneur. C'est-à-dire que le fait de lever les mains en prière, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous explique que c'est une manière de faire allusion au lever du voile entre toi et Allah. Car dans cette prière, tu vas t'adresser à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, كَمَا أَنَّ السَّبَابَةَ إِشَارَةٌ إِلَى الْوَحْدَانِيَّةِ. De la même manière que l'index, c'est-à-dire le lever de l'index, durant le tashahhud, est une allusion à l'unicité d'Allah. C'est une allusion au fait que le seul vrai Dieu, le seul que tu adores, est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu réunis donc entre cette croyance dans ton cœur et ce geste avec ton doigt, et ceci t'aide au recueillement et à la concentration durant cette prière. Ensuite le Cheikh, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner l'endroit où l'on positionne nos mains après le takbir. Est-ce qu'on les positionne le long du corps? Est-ce qu'on les place sur la poitrine ou est-ce qu'on les place en dessous du nombril? Et on verra cela dans le cours prochain. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم